Vous écoutez la radio Isanganiro et c'est l'heure du jour de l'édition dont voici d'abord les titres. Célébration ce samedi de la journée nationale de l'arbre et l'occasion pour le vice-président de la République de demander à la population de planter au moins 2 arbres quand on en abat en Angozi. Plus de 10 000 plants de bambou seront plantés cette année le long de la rivière Kanyaru en vue de protéger ses rives. Et le tronçon pont Gikoma-Bubanza sur la route nationale numéro 9 sera bientôt réhabilité. Le Conseil des ministres extraordinaire tenu ce mercredi a adopté une note irrelative. Et le directeur du lycée Notre-Dame de la Sagesse de Gitega, anciennement appelé CNED, demande au gouvernement de voir comment fournir les vivres aux écoles à régime d'internat, comme il le fait pour l'armée et la police. Cette école doit une dette de 15 millions de francs burundais à ses fournisseurs au cours de ce premier trimestre de l'année scolaire en cours. Voilà le sommaire. Anselme Irambona assure la mise en onde à la présentation. Jean de Dieu Irakoze. Bienvenue. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bienvenue dans les détails. Plus de 30 000 plants de bambou ont été plantés sur les berges de la rivière Mutimbuzi à l'occasion de la Journée nationale de l'arbre, édition 2023. Le vice-président de la République, Prosper Bazombanza, interpelle les Burundais à augmenter les efforts pour planter les bambous et des arbres qui donnent le bon air sur leurs collines. Il les invite aussi à planter des arbres après en avoir coupé un. Cette journée a été célébrée ce samedi dans la zone Buterere au quartier Mobone sur le thème « La forêt et la santé ». Jean-Marie Mayonga a suivi. La célébration de cette journée de l'arbre édition 2023 a débuté par les activités de planter les plants de bambou sur les berges de la rivière Mutimbuzi sous le thème « La forêt et la santé ». Ces cérémonies ont été rehaussées par la présence du vice-président de la République du Burundi, Prosper Bazombanza, le ministre ayant l'agriculture, l'élevage et l'environnement dans ses attributions, Prosper Dodiko, les cadres au ministère en charge de l'environnement, les autorités administratives et les représentants des organisations internationales qui appuient le Burundi dans les activités sur la protection de l'environnement. Dans son discours, le vice-président de la République a signalé que la protection de l'environnement est primordiale pour la bonne santé des êtres humains et pour lutter contre l'érosion. Le vice-président de la République du Burundi a interpellé les Burundais à multiplier les efforts pour planter les bambous et les arbres qui donnent le bon air sur leurs collines. Il les a invités également à planter 2 arbres après avoir coupé un arbre. L'environnement nous aide beaucoup dans nos besoins quotidiens. C'est pourquoi le gouvernement fait tous les moyens pour la multiplication des forêts en plantant des arbres. On affirme que la coupure des arbres par an est à une grande vitesse par rapport à la plantation. Nous demandons à chacun de couper un arbre pour planter 2 qui remplacent tous ceux qui sont déjà coupés. C'est pourquoi nous avons choisi de célébrer cette année sous le thème « La forêt et la santé ». Nous avons choisi la célébration de cette journée à Bujumbura parce qu'il a été constaté que des impacts négatifs liés au changement climatique qui font que les rivières de la mairie perdent leur direction à cause des eaux et la population devient victime. Nous avons préféré planter les plants de bambou sur les berges de la rivière Mutimbuzi pour nous protéger contre les aléas climatiques. Nous demandons aux responsables des communes Nahangwa et Mutimbuzi de continuer à sensibiliser les gens pour continuer à planter ces bambous sur cette rivière, ainsi les protéger et éviter qu'il y ait des destructions sans oublier les menaces sur la vie humaine. Le vice-président de la République du Burundi a terminé en invitant tous les Burundais à éviter et surtout à lutter contre le feu de brousse car cela détruit l'environnement. Plus de 30 000 bambous ont été plantés sur les rives de la rivière Mutimbuzi pour la protection de cette rivière et pour lutter contre l'érosion. Merci à Jean-Marie Mayonga. Au nord du pays, plus de 10 000 plants de bambou seront plantés cette année le long de la rivière Kanyaru en vue de protéger ses rives qui ne cessent d'emporter des terres en cas de débordement de l'eau du côté d'Ngozi. Le représentant provincial de l'Observatoire burundais pour la protection de l'environnement le dit en cette journée de la célébration de la Journée nationale de l'arbre. Laurent Munezero conseille à ceux qui les arrachent de cesser cette mauvaise habitude car ces arbres sont d'une importance capitale. Depuis Ngozi, Apollinaire Muzagara. Comme l'indique ce responsable de l'Office burundais de la protection de l'environnement, 10 200 bambous s'est replantés sur une distance de 30 km le long de la rive de la Kanyaru, sur la frontière burundo-rwandaise, côté province Ngozi. C'est dans les communes Musiga, Mumba, Nyamurenza et Marangara de cette province. Ces bambous s'est replantés en remplacement de ceux déracinés plantés durant ces 5 dernières années, d'après Laurent Munezero de l'OBPN Ngozi. Il parle d'une réussite à 80%. Le reste de ces plants de bambou ont été emportés, selon lui, par des débordements des eaux d'autres plantés sur des sols sablonneux. Il y en a aussi, toujours lui, qui sont arrachés par des agriculteurs, arguant que ces bambous occupent une grande superficie de leur terre une fois grandis. Cette autorité demande plutôt la protection de ces arbres qui empêchent aux eaux de cette rivière d'emporter ces terres. Dans le cadre du programme Ewe Burundi Urambaye, 6000 plants de jacquier seront plantés cette année le long de la route nationale numéro 6, toujours côté province Ngozi, Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire Muzagara. Le Conseil des ministres extraordinaire tenu ce mercredi a adopté une note relative à la réhabilitation de la route nationale numéro 9 sur le tronçon pont Gikoma-Bubanza. Jérôme Niyonzima, secrétaire général du gouvernement, et a lu le compte rendu de ce conseil, indique en outre qu'il a été décidé d'accélérer les pourparlers avec les partenaires ayant accepté de financer la réhabilitation du tronçon rond-point des Nations Unies pont Gikoma pour que les travaux soient achevés dans les mêmes délais. Suivez-le. Le présent projet vise à offrir une infrastructure routière moderne de qualité permettant l'accessibilité rapide et qui renforce les échanges commerciaux dans la partie ouest du pays, particulièrement par l'axe Bujumbura-Bubanza. Dans ce cadre, la partie de la route Bujumbura-Bubanza, à partir du pont Gikoma au centre de Bubanza, ainsi que la bretelle de 1 km vers le marché du centre de Bubanza, sont proposées pour la réhabilitation et font l'objet de la présente note. Parmi les entreprises qui ont été consultées, il a été observé que le soumissionnaire mieux-disant avait appliqué des taux de change élevés pour convertir son offre en francs burundais. Il a été invité à revoir à la baisse son offre. La présente note avait pour objet de solliciter l'aval du Conseil des ministres pour la réhabilitation de la RN9, pont Gikoma centre Bubanza, 34,3 km, et sa bretelle du marché d'environ 1 km. Dans le souci d'encourager cette première expérience de recours aux fonds propres dans la réhabilitation du réseau routier, le Conseil des ministres a donné son aval pour la poursuite du processus moyennant les recommandations suivantes. 1. Faciliter l'entreprise pour l'obtention des devises pour les matériaux non disponibles sur le marché local. 2. Instruire à l'entreprise d'ériger des dodanes répondant aux normes standards. 3. Recruter une maison de surveillance sérieuse pour suivre l'exécution des travaux à chaque étape. 4. Pour le tronçon rond-point des Nations Unies, Gikoma, mener des pourparlers avec les partenaires qui ont accepté son financement pour qu'il commence les activités afin que les deux parties de la route soient réhabilitées en même temps. Jérôme Niyonzima, il est secrétaire général du gouvernement. Après une courte pause, le journal continue. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. En page éducation, le lycée Notre-Dame de la Sagesse de Gitega, anciennement appelé CND, doit une dette de 15 millions de francs burundais à ses fournisseurs au cours de ce premier trimestre de l'année scolaire en cours. Le directeur de cette école, qui le dit, salue cependant l'initiative du gouvernement de revoir à la hausse les subsides par élève et par jour, mais trouve qu'elles sont toujours insuffisantes. Pour éradiquer cette habitude de dette envers les fournisseurs, le directeur Abbé Simon Nzigirabadia de ce lycée demande au gouvernement de voir comment fournir les vivres aux écoles à régime d'internat comme il le fait pour l'armée et la police. Suivez-les dans ses propos recueillis par Évariste Nzikobanyang. Nous avons 780 élèves et parmi les 780, il y a les internes et les externes. Les élèves internes au niveau de cette école, c'est 409, dont 144 élèves vivant avec handicap. Pour nourrir tous ces enfants et surtout ceux qui vivent à l'internat, nous trouvons que c'est une gageure. Et parce que sur le terrain, il y a une flambée des prix des denrées alimentaires et cela, tout le monde peut le constater. Quand même, nous nous réjouissons que le gouvernement a augmenté les subsides, passant de 900 francs par élève et par jour et jusqu'à 1400. Ce n'est pas peu, même si sur le terrain, c'est toujours insuffisant. Voilà, si j'essaie de projeter pour ce trimestre qui est en train de cheminer vers sa fin, je crois qu'on pourrait avoir une dette d'autour de 15 millions. Nous aurions aimé que, tenant compte des prix qui se trouvent sur le marché et le gouvernement puisse penser encore à augmenter. Alors, on aurait aimé que et l'on puisse nous fournir des vivres secs, le riz, le haricot, l'huile, la farine. Cela pourrait nous faire du bien et nous éviter de toujours devoir aller et contracter des dettes auprès des fournisseurs. Abbé Simon Nzigirabadia, il est directeur du lycée Notre-Dame de la Sagesse de Gitega. Et le cancer du col peut être une des conséquences liées au mariage précoce pour les filles. Cela a été dit par le docteur Ndikouma Nassoudi lors d'un atelier de sensibilisation de lutte contre le mariage précoce chez les jeunes filles organisé par la Fondation Salama. Il a en outre indiqué que la fille peut également développer des troubles à la langue. Suivez-le au micro de Oreb Ingabire. Normalement, les conséquences sont énormes. Ça peut être des conséquences, je dirais, organiques par rapport avec certaines maladies qu'elle peut développer pendant la grossesse, même après la grossesse. Mais aussi, elle peut faire des infections à répétition si elle n'est pas bien éduquée. Mais aussi, si elle ne comprend pas son partenaire ou bien elle peut pas faire un bon dialogue avec son partenaire. Et à la longue, elle peut même faire un cancer du col parce que il y a de multiples cas de cancer du col qui se manifestent parce que les rapports sexuels avant l'âge de maturité sont parmi les causes qui peuvent favoriser le cancer du col. Mais aussi, elle peut vivre une vie de traumatisme parce que la plupart de ces jeunes filles ne finissent pas bien avec leurs époux. Alors, elle peut être traumatisée et psychologiquement, ça peut l'atteindre beaucoup. Il y a un problème de compréhension ou d'éducation sexuelle parce que les jeunes filles, elles pensent qu'elles sont déjà à l'âge, elles entrent déjà dans ces relations sexuelles, des fois prématurées et aboutissent à un mariage ou à une vie conjugale. Oui, il serait mieux que l'État ou le gouvernement en place puisse tout d'abord comprendre ces situations et aussi l'ampleur que ça peut causer. Accompagner ces familles qui récusent la pauvreté ou qui récusent une mauvaise éducation, mais aussi ces jeunes filles doivent avoir des éducations, donc des séances d'éducation qui sont, je peux dire, complémentaires, c'est-à-dire à partir de l'école, à partir de la maison, à partir des centres qui sont organisés. Avant de clore ce journal, rendons-nous au sud du pays pour parler agriculture. Le rendement des riz en commune Nyanzalak de la province Makamba a actuellement augmenté grâce aux semences sélectionnées produites par la rizicultrice Aline Nyonizigie de la colline Kabo, zone Muyangé, dans cette commune. Il a été pionnière dans cette activité. L'agronome zonal à Muyangé se dit satisfait du rendement des riziculteurs exerçant dans le marais de Nyeshingé et demande à d'autres riziculteurs de lui emboîter le pas. Élise Cuisera pour plus de précision. Cette femme rizicultrice dans le marais d'Onyeshingé est productrice de semences du riz sur la colline Kabo, zone Muyangé, en commune Nyanzalak dans la province de Makamba. Témoigne qu'elle a entrepris ses activités dès qu'elle a appris via des formations que cette commune ne dispose pas des producteurs de semences de cette culture. Elle indique qu'auparavant, le riz qui se cultivait dans son marais mûrissait à des moments différents car les semences n'étaient pas de bonne qualité. Ainsi, il était difficile de trouver le marché. Il est fait savoir que le rendement du riz est actuellement passé de 150 ou 200 kg à 350 ou 400 kg sur l'étendue de 4,5 ha. Au niveau de la communauté, cette femme indique que les riziculteurs n'ont plus de difficultés à trouver des semences sélectionnées, étant donné qu'elles sont produites dans leur localité et à leur vue. Certains des riziculteurs dans le marais d'Onyeshinge remercient qu'ils s'approvisionnent facilement en ces semences grâce à cette productrice des semences sélectionnées. L'agronome zonal de Muyange, Manirakiza Jean-Marie, un des agronomes encadra les riziculteurs dans le marais d'Onyeshinge, se dit satisfait du rendement des riziculteurs œuvrant dans son marais et appelle à d'autres riziculteurs à leur emboîter le pas. Depuis Makamba, Élisée Kwizera, Radio Isanganiro. Merci à Élisée Kwizera et c'est par cet élément que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Anselme Irambona assurait la mise en onde à la présentation. Vous étiez avec Jean de Dieu Irakoze, mais dans un instant, vous aurez droit à la revue de presse qui sera présentée par Jean Bosco Douiman. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir. Tout naturellement, les journaux reviennent sur le manque de carburant qui complique le quotidien de ceux qui vivent au Burundi. Pénurie du carburant, allons-nous tenir ? S'interroge Burundi Echo en une de sa parution cette semaine et constate que le carburant introuvable reste en casse-tête dans les ménages. Les voyageurs font les files pour attendre les moyens de transport. Les véhicules font la queue pour s'approvisionner en carburant. Pour y faire face, les devises pour importer le carburant font défaut. Les promesses du Japon, du Nigeria et de la Russie tardent également à se concrétiser, se désole ce journal. Pour faire face à la pénurie répétitive du carburant, écrit toujours son confrère, l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités PARSEM propose sur son compte X une mise sur pied d'un cadre de dialogue avec les experts et les partenaires du secteur. Elle invite le gouvernement à envisager la possibilité de demander l'assistance des pays amis ou de contracter un crédit d'urgence auprès des organismes internationaux afin de relever le défi des réserves de change, conclut cet hebdomadaire socio-économique. Depuis plus de deux semaines, la pénurie de carburant avec de plus en plus de répercussions sur la vie socio-économique inquiète la population de la province Cibitoke, souligne l'agence burundaise de presse. On enregistre une hausse des prix du ticket de transport et des produits de première nécessité. En effet, le prix du ticket de transport a augmenté du simple au double pour tous les trajets. Vers la fin du mois de novembre dernier, le ticket de transport Cibitoke-Bujumbura en véhicule de transport dit ProBox était de 7 000 ou 8 000 francs burundais et 5 000 francs burundais en bus, IAS, tandis qu'aujourd'hui le même trajet se fait à 15 000 francs burundais en ProBox et 8 000 francs bou en bus, IAS. De leur part, note toujours ce quotidien, pas mal de transporteurs se plaignent qu'ils sont en chômage. Ils avaient commencé par des arrangements pour trouver de petites quantités de carburant pouvant les aider à travailler pour nourrir leur famille. Mais actuellement, ils ont garé leur véhicule à la maison jusqu'à la prochaine livraison de carburant aux stations-service. Revue de la presse. Conséquence immédiate, les produits frais comme les tomates, la banane, la pomme de terre sont devenus des produits de luxe. Les prix de ces produits ayant été revus à la hausse, comme a pu le constater l'hebdomadaire Iwachu au marché d'Ikotebu. En effet, illustre ce journal, des tomates qui se vendaient à 1 000 francs se vendent à 2 000 francs burundais, voire 2 500 francs burundais. Selon une vendeuse approchée par son confrère, le carburant qui est devenu rare fait que les camions qui amènent ces produits font payer beaucoup d'argent et cela doit avoir une incidence sur le prix de vente. Dans les quartiers du Nord, cette hausse a touché aussi du charbon de bois. Un habitant rencontré à Buterere a fait savoir que le charbon qu'il achetait à 2 000 francs burundais est monté jusqu'à 5 000, rapporte cet hebdomadaire. Toujours au sujet du carburant, Son manque devient une menace réelle pour l'hôpital de Kirundo, alerte Net Press, qui fait remarquer que l'une des conséquences immédiates de cette pénurie est que des cadavres se décomposent dans la morgue et dégagent des odeurs nauséabondes d'après des patients qui s'y font soigner. Selon des informations sur place recueillies par son confrère, des mouches sont perceptibles autour de la morgue. Les habitants se plaignent, d'autant plus que quand il y a quelques rares gouttes de carburant dans la province, les autorités locales pensent d'abord à s'approvisionner plutôt qu'à dépanner des ambulances ou autres engins de supervision. Pour cette raison, poursuit son quotidien en ligne, des gens qui perdent les leurs se sentent obligés de les enterrer le même jour du décès ou alors, quand il s'agit des familles nanties, elles transportent les dépouilles des leurs, soit à Karoussi, soit en Ngozi, pour éviter des enterrements dans la précipitation. Ainsi se referme cette revue de presse, préparée et présentée par Jean-Bosco Ndouimana. Restez branchés sur nos ordres. Revue de la presse.